grand Dieu. Quel trait sublime, digne des éloges de la Grèce éloquente, nous lisons dans le livre des origines de Marcus Caton sur le tribun militaire Quintus Sedicius. Voici le sens du passage en question. Dans la première guerre punique, le général carthaginois qui commandait en Sicile s'avance contre l'armée romaine et s'empare des hauteurs et de toutes les positions les plus favorables. Les soldats romains sont obligés de s'engager dans un défilé dangereux où ils risquent de périr. Le tribun Sedicius vient trouver le consul, lui montre que dans cette position et entouré d'ennemis, l'armée est exposée au plus grand danger. « Si tu veux sauver l'armée, » ajouta le tribun, « je pense qu'il est à propos qu'on envoie 400 soldats vers cette verrue. » C'est ainsi que Caton désigne les lieux élevés et de difficile accès. « Et que, sur tes exhortations, sur tes ordres, ils s'en emparent. Dès que les ennemis verront cette troupe, les plus braves et les plus déterminés d'entre eux accourront pour l'arrêter et engageront une affaire qui les occupera tous. Les 400 soldats seront massacrés, sans aucun doute. Mais toi, pendant que les ennemis seront occupés à les égorger, tu auras le temps de tirer l'armée de ce défilé. Il n'y a pas, je crois, d'autre moyen de salut. » Cet avis, dit le consul, me paraît excellent. Mais qui se chargera de conduire ces 400 soldats sur les hauteurs couronnées d'ennemis? Si tu ne trouves personne, reprit le tribun, sers-toi de moi pour tenter l'exécution de cette entreprise. Je fais à mon général et à la République le sacrifice de ma vie. » Le consul complimente et remercie le tribun. Les 400 soldats marchent à la mort, Sedicius à leur tête. Les ennemis, admirant leur audace, attendent pour voir où ils se dirigeront. Mais dès que le général carthaginois comprend qu'ils s'avancent pour s'emparer des hauteurs, il détache contre eux tout ce qui avait le plus intrépide dans son armée, tant en infanterie qu'en cavalerie. Les Romains sont enveloppés. Dans cette position, ils se défendent avec énergie. La victoire même est longtemps incertaine. Enfin, le nombre l'emporte. Les 400 tombent, tous percés de coups d'épée ou couverts de traits. Le consul met à profit le temps du combat pour sortir du défilé et prendre une position sûre dans des lieux élevés. Mais je transcrirai les propres termes de Caton pour raconter le prodige que firent les dieux dans ce combat en faveur du tribun qui commandait les 400 soldats. Les dieux immortels donnèrent au tribun un sort digne de sa bravoure. Couvert de blessures, il n'en reçut aucune à la tête. On le trouva parmi les morts, épuisé par la perte de son sang, respirant à peine. On l'emporta. Il revint à la vie. Plusieurs fois, dans la suite, il donna à sa patrie des preuves de son courage. Mais, malheureusement, la gloire d'une belle action dépend beaucoup du théâtre où elle s'est passée. L'univers retentit des louanges du lacédémonien Léonidas, qui, au Thermopyles, montra un courage semblable contre l'envahisseur perse. La Grèce, sa patrie, a exalté sa valeur, l'a immortalisée par des monuments, par des statues, par des tableaux, par des récits, par des éloges publics. Elle a mis tout en usage pour témoigner sa reconnaissance. Et l'on connaît à peine le nom d'un tribun qui n'a pas montré moins de courage et qui a sauvé sa patrie. C'est ainsi que Marcus Caton honore par son témoignage la vaillance de Quintus Sedicius.